On a un petit peu de musique et puis on va vous passer les deux dernières dépêches de Livo qu'on n'a pas passé quand même et les dé qu'on n'a pas passé ces derniers temps. Et Livo, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous pouvez le retrouver sur Arte Radio. Alors? Bah, je vous ai vu regarder un peu les panneaux là, qu'est-ce que ça vous fait? C'est excitant toutes ces listes, toutes ces... Non, ça me fait pas grand-chose. Salut, c'est Livo et cette semaine, je découpe les élections avec mon micro. HuffPost, 18 mai. Selon plusieurs enquêtes d'opinion, l'abstention pourrait atteindre la barre des 60%. Alors là, devant ces panneaux électoraux, toutes les affiches qui sont collées sont soit barrées, taguées, déchirées, déchiquetées, voire même en lambeaux, sauf celle du petit chien. Libé, 11 mai. Macron-Le Pen, main basse sur la campagne. En fait, moi, j'ai rien à dire. Hein. Pourquoi? Parce que je suis sans papier, donc je peux pas voter. Le 26 mai, vous aurez le choix entre l'Europe de Macron ou l'Europe des nations. Ah bah génial. Le Monde, 20 mai. 34 listes. Un peu désabusé, là vous pouvez mettre 33 panneaux. 34 programmes. 34, ça changera pas la donne. Hein. Vous allez pas voter, vous? Non, je ne vais pas voter. Non. Même le petit chien, là? Ouais, le petit chien est mignon, et ça c'est pour ma fille. Libération toujours. Les gauches prônent l'union. Ah bah moi je vote Jean-Luc Mélenchon. Mais pas tous ensemble. J'aime bien Benoît Hamon. Elles pourraient toutes finir sous la barre des 10%. Yann Brossa, c'est un mec hyper bien. Voire des 5%. Très sympa. Tu le connais? Non. C'est pas lui là? Non, ça c'est Raphaël Glucksmann. Ah oui, je les confonds un peu, mais non, c'est pas lui, c'est Yann Brossa. Ils ont un peu la même tête, Yann Brossa et Raphaël ouais, Glucksmann ils de se loin. Ressemblent un ouais. peu, voilà. Parce qu'il est vert. Il est pas vert, Glucksmann. Bah si, moi je le vois. Ah, là sur la photo, il est plutôt beige. Il est rouge. Il prend de la hauteur, quoi, par rapport à certains. C'est vrai qu'il est grand. Le Point, 19 mai. François Hollande appelle à voter pour la liste de Raphaël Glucksmann. Alors, il est 23h17 et comme chaque manger, soir, notre séquence consacrée à la campagne des Européens. Ah cool, c'est l'heure de l'émission avec les spots électoraux. Soutenu par la République en marche, le modèle. Mais attends, je l'ai déjà entendu hier, elle. L'Opinion, 14 mai. Le temps de parole décidé par le CSA dans le cadre des Européennes ne fait pas que des heureux. Ce découpage avantagerait beaucoup trop la majorité. Renaissance soutenue par la. Ah non, mais encore en LREM? Bah, je vais voter pour la liste de Macron. Emmanuel Macron? Oui. C'est une liste, je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas quoi. Re, je sais pas quoi. Ouais. Renaissance. C'est dur, hein, de savoir. Il y a beaucoup de choix pour pas beaucoup d'explications. Trop de partis de gauche. Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen. L'utopie d'un monde sans frontières tourne au cauchemar. L'union de la droite et du centre. Une immigration non maîtrisée déstabilise notre société. Liste de la reconquête. Oui, le grand remplacement est une réalité. Mais non. La ligne claire. Nous voulons sortir de vivre ensemble. Mais non. Le courage de défendre les Français. Stop. Avec Nicolas Dupont-Aignan. Stop. J'ai 19 ans, je suis royaliste. Wow. Ensemble, patriotes et Stop. Gilets jaunes. Toi, t'en as déjà une de procuration ou pas? Non. Du coup, tu veux que je vote pour toi? Ouais, ça serait cool, ouais. Oh là là. La France royale. Le grand remplacement. Votez nationaliste. Tu veux que j'aille demander à quelqu'un d'autre? Non, je peux le faire. Ah, cool. Okay. Enfin, ça dépend, tu veux voter pour qui? Tu sais, moi, c'est écolo ou... Ouais, mais bon, écolo, ça veut plus rien dire aujourd'hui, tout le monde se dit écolo. Ah ouais? Je vais voter le parti animaliste. Le petit chien? Oui. Du coup, ça serait quoi? Est-ce que j'ai pas bien compris? Ça serait un chien qui serait député? Non. Europe écologie, non? Europe écologie, les Verts. Ouais. C'est un peu chiant, les Verts. T'as pas quelque chose de plus drôle, quoi, non? Mais non, mais les trucs drôles, ils sont tous... Ouais, j'aurais bien fait le truc légaliser le cannabis ou des trucs comme ça. Mm. Mais tous les rigolos, ils ont abandonné. Bon, du coup, je me suis mis en tête de trouver une liste marrante. Alors, je m'appelle Sophie Caillot, j'ai 23 ans et je suis tête de liste pour la liste Allons-en. Afin de décerner la palme d'or de l'humour politique. Une autre façon de faire de la politique est possible. Alors, j'ai trouvé des jeunes déjà très forts en com. L'Europe de demain par les jeunes d'aujourd'hui. Dans le lot, il y a 2-3 listes de droite libérale en plus. Ben, Christian Patron, j'ai dont celle de l'UDLEF, l'Union pour la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité. Une de mes motivations à m'investir en politique, ça a été le nombre incroyable de contrôles URSSAF. Avec des gens dont la notoriété est en pleine croissance. Demain, je vais passer sur une chaîne de télé du câble. Mais rien de vraiment rigolo. La Voix du Nord, 17 mai. Élection européenne, une anonyme styrverquoise lance une liste 100% nordiste. La liste neutre et actif. Non mais attends, c'est quoi la liste neutre et actif, menée par Cathy Corbet, est composée de 79 membres qui habitent tous dans le département. Bonjour. J'aurais aimé faire une interview téléphonique. Alors Cathy Corbet n'a jamais répondu à mes messages. Et le seul qui a réussi à lui parler, c'est un journaliste de Ouest-France. Au début, j'ai pensé que c'était une stratégie justement de communication. d'être la liste dont on ne parle pas. Et le seul relais que j'ai trouvé sur internet est la page Facebook de Cathy Corbet, où l'essentiel des posts renvoie vers un lien Google Drive qui permet de télécharger le bulletin de vote. Eh ben ça marche pas. France 3 Nord-Pas-de-Calais, 17 mai. Candidat inconnu, programme flou, campagne inexistante, liste constituée de manière suspecte, neutre et actif, pose de nombreuses questions. Non mais sérieux, c'est une blague cette liste ? Allô ? Je vous appelle parce que j'ai vu que vous figuriez sur la liste neutre et actif. Femme qui m'a inscrit comme ça. Je vous appelle par rapport à votre candidature. Il y a une dame qui a sonné à la porte, on m'a demandé ma carte d'identité pour voter. Elle a marqué mon nom, quoi, je m'en foutais complètement. Il y a une dame qui est venue, je crois. Enfin, en plus de ça, je viens d'être opéré d'un cancer. T'as dû signer quelque chose et tu savais pas que c'était ça, en fait. Je connais même pas le projet. Vous allez voter pour cette liste, quand même ? Non, pas du tout. Vous allez voter pour qui, vous, du coup ? Pour le Front National. Le JDD 19 mai, européenne. Dans les sondages, le RN est passé devant LREM. Allô ? Ah, Cathy ? Allô ? Oui ? Oui, Cathy Corbet, bonjour. J'aurais souhaité juste vous poser 2-3 questions très rapidement par téléphone. Ah oui, mais ça, je ne le fais pas, monsieur. Mais je juste vous remercie, vous souhaite une bonne journée. Monsieur, j'ai d'autres appels, donc je vous souhaite une excellente journée. Mais c'est pas une histoire où vous avez perdu un pari, en tout cas. Non, mais... Non ? Maintenant que tu danses la carioca. Je pense que je vais voter Urgence Écologie. Ah, t'as changé finalement. J'ai pas trouvé le parti des petits chiens là. Mais en fait, Urgence Écologie, ils en parlent aussi un peu. Ok. T'as pas vu neutre et actif ? Non, j'ai pas fait gaffe. Dansons la carioca. Voilà, on espère que vous avez passé un excellent moment avec votre dépêche hebdomadaire sur Arte Radio. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vérifiez que vous ne figurez pas sur la liste. J'aurais préféré d'être au courant. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Arteradio.com Allongé Bonjour madame, excusez-moi, je fais un petit micro-trottoir. Vous avez une minute ? J'ai pas mes oreilles, donc si c'est pas trop... Vous avez pas vos oreilles ? Mes appareils. Ah, parce que je confirme que vous avez quand même des oreilles. J'ai mis des oreilles. Dépêche, dépêche. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Le Monde, la famille de Vincent Lambert, ancien infirmier de 42 ans qui est dans un état végétatif depuis 2008, se déchire autour de la question de l'arrêt des traitements. Vincent Lambert ? Oui. On le débranche ou pas ? Ça serait sage. 24 avril. Moi, je débrancherai. Le Conseil d'État valide la décision d'arrêt des traitements. Ça sert à rien, je pense, de rester en état de légumes et puis... 5 mai. Le comité de l'ONU a demandé à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins. C'est une bonne question, j'ai pas d'avis sur le sujet, en fait. Ah, si, on débranche. La France n'est pas tenue par l'avis du comité de l'ONU. Ouais, on débranche. 11 mai. Ça a duré trop longtemps. Le médecin annonce la fin des traitements pour la semaine du 20 mai. Bon, Vincent Lambert, c'est réglé. Next. Le Progrès, 8 mai. Pour éviter une fermeture de classe, 15 moutons ont été symboliquement inscrits mardi à l'école primaire de Créan-Beldonne dans l'Isère. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est le tracon affilé à la sortie de l'école. Loi Blanquer, inquiétude des enseignants et des familles. Chouchou. La loi Blanquer. Quoi ? Limite le droit d'expression tu des sais, enseignants. Pourquoi il y avait grève à l'école là, jeudi ? Évaluation nationale anxiogène pour les élèves. Ils vous ont pas expliqué ? Menace sur le devenir des directeurs d'école, interlocuteurs privilégiés des familles. Allez, va à la douche. Inscription obligatoire des 3 ans. Bah c'est bien ça, non ? Il y a une loi de 1959 qui dit que les municipalités doivent donner autant au public qu'au privé. Comme, elle donne une sorte de forfait par élève, c'est ça ? C'est ça, une sorte de forfait par élève. Et du coup, aujourd'hui, comme la scolarisation elle va être obligatoire à partir de 3 ans, les municipalités vont devoir aussi donner pour les maternelles. Et ça, ça a été chiffré à 150 millions d'euros. Ah bah peut-être du coup les prix vont baisser dans le privé ? Bonjour et bienvenue au Lazariste Lyon. Vous allez pas baisser les prix par rapport à la réforme ? Non du tout. Il n'y a pas eu de répercussions sur nos prix. Hein. C'est tout bénef du coup. Écoutez, voilà. Le canard enchaîné. Alors que les gilets jaunes se calment, Blanquer fait tout pour énerver les hussards noirs. C'est la fin de Jules Ferry. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin de l'égalité des chances. Ça fait beaucoup de faim, là. Ouais. Vous passez maintenant une part non négligeable de votre temps, Jean-Michel Blanquer, à devoir rectifier des bobards. Non, attends, lui, il dit bobard, il dit pas fake news. Bon sang, sapristi. Diantre, mais qui débite toutes ces balivernes ? Il n'y aura pas de loi Blanquer. Je serais fier qu'il n'y ait pas de loi Blanquer. Bah, je comprends plus rien, là. Il y a une loi Blanquer ou il n'y a pas de loi Blanquer ? Sapristi. L'opinion, 12 mai. Le Sénat examine le projet de loi Blanquer. Rectifier des bobards. Aujourd'hui en France, 10 mai. À Vaux-en-Velin, les parents dénoncent une tentative d'intimidation contre leur collectif. Il a dit qu'on traumatisait les enfants. En cause, une réunion organisée par l'inspection académique qui visait à les informer. Et donc il a dit que les affichages étaient trop orientés en fait. On avait un devoir de neutralité en tant que parents d'élèves dans notre action d'informer les familles. Voilà. En Haute-Garonne, la directrice académique a adressé un courrier au directeur d'école les enjoignant à ne pas relayer les tracts des associations de parents d'élèves. Alors voilà, donc nous on lui a dit que le devoir de neutralité des parents n'existait pas. Libé, 3 mai. Lettre de remontrance, avertissement verbaux du rectorat, les directeurs critiques se font corriger. Je suis issue d'un milieu populaire. Mes parents, ils n'avaient pas fait d'études. C'est l'école qui m'a permis de faire des études. Maintenant, des enfants comme moi, issus des milieux populaires, ils ont beaucoup moins de chances de rentrer. Il y a tout le système de parcours. Ils ne pourront pas faire ce que j'ai fait, moi. Ils ne pourront pas. Ça ne sera pas possible. Du coup, on chante Patricia Cass ensemble. Je suis pas très chantée. Vous avez les paroles. L'éducation nationale doit-elle sortir de la gréviculture ? Il y en a qui deviennent fous, font confiance à Blanquer. Je considère que la présence de la musique à l'école tous les jours est un magnifique objectif. Il faut des moyens, pas trois fois rien. Il faut des postes, faut du pognon pour l'éducation. Au moment où je vous parle, il y a 90% des collèges de France qui ont une chorale. Mais les braves, on n'aime pas que leur ministre décide pour eux. Non, les braves, on n'aime pas que leur ministre se moque d'eux. Nous voulons envoyer une éducation nationale qui chante. Allez, allez, Blanquer, on veut la progression. Nous créons même des chœurs, vous voyez, de professeurs à l'échelle de chaque académie de France. Vous voulez devenir contractuel dans l'éducation nationale ? Alors, choisissez une chanson, inscrivez-vous au casting et rejoignez Jean-Michel dans la Blanquer Academy. De l'éducation nationale. Oui, mais elle manque de sagesse. Mademoiselle manifeste. Allez. Mademoiselle manifeste. Nos instituts ont du talent. Et pendant ce temps-là... Le Monde, 11 mai. Monsanto distribue les bonnes et les mauvaises notes. Monsanto affichait des dizaines de personnalités à influencer. Je m'appelle Anne Barbaral, je suis spécialiste environnement à France Info. et du coup vous êtes fichée par Monsanto. Et donc du coup j'ai appris que je m'étais retrouvée dans un fichier de l'agence de relations publiques payée notamment par Monsanto. Un cabinet de lobbying a créé pour Monsanto des fichiers illégaux afin de répertorier des personnalités qui lui seraient hostiles ou favorables. Ils m'ont noté comme crédible et j'ai vu apathétique et neutre. Est-ce que c'est pas un peu la loose pour une journaliste? Est-ce que vaudrait pas mieux être complètement opposante? Qu'on soit noté comme crédible et neutre, sans avis en fait sur le glyphosate, c'était vraiment moi le rôle que je me voyais à l'antenne. Vous n'êtes pas mécontente de la notation, quoi? Qu'ils estiment que mon avis est neutre sur le glyphosate, moi ça me va. Le Figaro, 14 mai. Glyphosate, Monsanto condamné à payer 2 milliards de dollars à un couple affirmant que l'herbicide est à l'origine de leur cancer. Bravo pour cette note en tout cas. Ouais, merci. Pour encore plus d'informations neutres et sans avis, rendez-vous la semaine prochaine dans Dépêche. Non, ça n'est pas un sujet tabou du tout. Ça n'est pas tabou de dire que certains le croient tabou. Le tipi de papi n'a pas de tapis qu'elle dépit. Ça n'est pas tabou de dire que certains le croient tabou. À du dindon dîne et se dandine. Ça n'est pas tabou de dire que certains le croient tabou. Un bon blanquer est un blanquer bien bloqué. Un bon blanquer est un blanquer bien bloqué. C'est pour ça qu'on se bat là dans la rue, c'est pour toutes ces phrases que vous faites avec les élèves. Voilà, c'est tous ces virlangues qui vont disparaître. Arte Radio. Sauvons les virlangues. Un bon blanquer est un blanquer. Wow, c'est chaud en fait. Hein. Comme. Vous êtes marrants, les riches. T'en veux à ceux d'en face. Parce qu'ils veulent ton artiche. Bah, mets-toi à leur place. Ils prendront pas la tienne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les uns aient au moins la moyenne ou 10 sur 20. Pas moins. Vous êtes marrants, les riches, chaussures, pointures, fourrure, your tailor is fortiche, tout est du sur-mesure, toujours pété plus loin, que ton ventre en a besoin, tu serais plus modeste, on te rendrait le reste. Vous êtes marrants, les riches, tu gagnes mais faut voir comme, sans aller dire tu triches, c'est toujours toi qui donnes. On ferait la revanche avec le même jeu que vous. Je dis pas qu'on prendrait tout, mais on aurait notre chance. Vous êtes marrant, les riches, quand tu coupes les parts. On allume nos subiches sur le mégot des cigares. Tu donnes en gardant tout, t'appelles ça du partage. Tu gardes le fromage et tu nous refiles les trous. Vous êtes marrants, les riches, c'est toujours nous qui rame. C'est pas ça que ta madame a dit au catéchiche. Note bien, j'y ai pas trop cru. Ton bon Dieu à l'esbrouf qui distribue de la bouffe sans faire de plus-value. Vous êtes marrants, les riches, suez pour tes haricots. On te dirait banco, tu serais même pois chiche. Tu nous laisses pour des cons. Tu conjugues les verbes autant qu'ils te préservent. C'est commode l'instruction. Vous êtes marrant, la riche. Ton croissant, ton journal, ta gueule sur une affiche. On peut creuser un mot, des mots comme on en dit. Qui fait pas chaud l'hiver. Qu'un cousin vient samedi, qu'on a repeint la barrière. Vous êtes marrant, les riches. L'inversion d'être en haut, au bord de la corniche. Mirer ton cul dans l'eau, mettre l'eau dans ta pauvre main. Avec tes doigts ouverts, tu la sers, t'as plus rien. Ton argent sert la mer. Vous êtes marrants, les riches. Rien que de la fausse monnaie. Une poignée d'orchidées dans un champ de grains en friche. Ça fait le fier dans les blés. Puis un matin, coco, ça se retrouve encerclé en plein les coques.